showbiz, c'est mon domaine. Si je vois une star, je sors direct avec sa sœur. À la radio, je me la ramène. Je me complimente et je me lance des fleurs. Dès 6 heures, je vous sors du lit. À 10 heures, je m'enfuis tout droit, la tête dans le guidon. Je m'enferme chez moi et je mets la télévision. Moi, je veux faire Love Story pour le pognon et les seins de Leslie. Goûter l'eau de la piscine, être une star comme Castaldi. J'ai pas eu Loana, j'offrais pas la connerie deux fois. J'prends ma mob et j'y vais, ils vont bien me laisser rentrer. Ils vont bien me laisser rentrer. J'ai essayé d'être président, ça a foiré, j'ai pas eu mes signatures. J'y ai perdu beaucoup d'argent, j'ai surtout senti le coup de la facture. Depuis ça, j'ai qu'une envie, avoir de cuisses à mater. Président, c'est pourri, je veux passer à la télé. Moi je veux faire Love Story pour le pognon et les seins de Leslie. Goûter l'eau, être une star comme Castaldi. J'ai fait comme Loana, j'ai montré mon cul aux deux gros bras. Ils m'ont donné la clé, ça y est, enfin je suis rentré. Ça y est, je suis rentré. Ils ont planqué les clés. Sans que j'aime bien me faire chier. Allô les copains? Eh oui, c'est moi. Venez me chercher. Non, venez me chercher, s'il vous plaît. Allez, me laissez pas là tout seul. Non, venez. Allô? Pas facile de draguer dans le loft. En moins d'une heure, je me suis pris 4 râteaux. De 6 heures jusqu'à minuit. Je m'isole et je m'ennuie. Je m'inquiète et j'ai peur. En plus, y'a Thomas qui me suit. J'en ai marre, je veux sortir. Mon cul tiendra pas toute la nuit. Love Story, c'est fini. J'ai pas le pognon ni les seins de Leslie. J'suis enceinte de Thomas. On va même l'appeler Castaldi. J'suis une star nationale. J'ferai même la météo sur Canal. J'suis une star de télé. Et tout ça sans rien branler. Branler. Tout ça sans rien branler. Sans rien branler.